Quelle est votre adresse, Madame Aïchoun ? J'habite 20 rue des Pénitents Blancs. Quel est votre code postal ? 16 000 à Angoulême.